بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، le 11 à Allah en cette nuit du 30 Safar 1442 qui correspond au 16 octobre 2020, on se retrouve sur les ondes de la radio Imam Malik pour une troisième assise concernant la source de Rabi'u Sunna. Cette semaine, comme vous le savez, cette semaine, la communauté musulmane a perdu un savant et un grand muhaddith, un grand savant et un grand muhaddith. L'allama Cheikh Mohammed bin Ali bin Adam l'Ethiopie, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il lui octroie le Firdaus al-A'la. Il a laissé un grand héritage à la communauté musulmane et il a éduqué beaucoup d'étudiants. Cheikh Rabi' disait de cet homme de science, Alim Mecca, le savant de la Mecque. Al-Hafid al-Ajurri rahimahullah, dont Khlaq al-Ulama a dit, dans son livre Le comportement des savants, a dit: que pensez-vous qu'Allah vous couvre de sa miséricorde sur un chemin rempli de dangers et les gens ont besoin de le traverser lors d'une nuit où il n'y a pas de lumière, le noir total. Et s'il n'y a pas de lanterne, les gens hésitent. Et Allah a doté ce chemin de lumière. Ainsi, ils ont pu le traverser en sécurité. Et puis, une autre génération est arrivée. Eux aussi, il est obligatoire pour eux d'emprunter ce chemin. Alors qu'ils étaient en train de traverser ce chemin, les lumières de ce chemin se sont éteintes. Ils sont restés dans le noir. Que croyez-vous de cela? Il dit, rahimahullah, il en est ainsi des savants au milieu des gens. Beaucoup de gens ne savent pas comment s'acquitter des obligations, comment éviter ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, ni comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala par toutes les adorations avec lesquelles l'adorent ses créatures, sauf ceux qui restent parmi les savants. Il dit, rahimahullah, quand les savants meurent, les gens tombent dans le doute et l'hésitation. La science se perd avec leur mort et l'ignorance apparaît. Nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahimahullah, et c'est une énorme catastrophe pour les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation des paroles de l'Ajur et donc Khlaq l'Ulama. Il n'y a aucun doute que la mort des savants est une grande catastrophe. Écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Miftah Dar Sa'ada. Il dit, rahmatullah alayh, comme la réforme en bien de l'existence dépend des savants, et si ce n'est pas les savants, les gens seraient comme des bestiaux, sinon pire que les bestiaux. Il dira, rahimahullah, c'est pour cela que la mort d'un savant est une grande catastrophe à laquelle ne peut remédier qu'un savant qui le remplace. Les savants, c'est eux qui orientent et dirigent les serviteurs et c'est eux qui commandent les pays et les royaumes. Il dit, rahimahullah, la mort des savants est un grand mal pour l'organisation du monde. Il dit, rahmatullah alayh, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal fait que les savants se succèdent les uns aux autres. Ils préservent, subhanahu wa ta'ala, par leur biais et sa religion, son livre et ses serviteurs. Et il dit, rahimahullah, et médite, s'il existe un homme qui dépasse le savant avec la fortune et la générosité, et que les gens ont besoin de ce qu'il a entre les mains comme fortune, et il est bienfaisant avec eux par tout ce qu'il peut, et puis il meurt. Il dit, rahimahullah, cette matière s'est coupée d'un coup pour les gens. Il dit, rahimahullah, la mort du savant est une catastrophe plus grave que la mort de ce grand généreux. Et par la mort du savant, meurent des communautés et beaucoup de monde. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim dans Miftah Dar Sa'ada. Prenons Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai cité au début, la communauté a perdu un grand savant, Cheikh Mohamed Ali Adam en Éthiopie, rahimahullah, duquel Cheikh Rabi' disait, c'est le savant de la Mecque, Alim Mecca. Son noble cheikh qui est mort disait dans Sharh Ilal al-Tirmidhi qu'il a fait, rahimahullah, Cheikh Rabi' est un imam parmi les imams du Salaf à notre époque. Et moi, je l'aime, et lui aussi même, et je le surnomme Shu'ba du siècle. Tu connais Shu'ba ibn al-Hajjaj? C'est un grand mémorisateur. C'est une figure de la critique et de l'éloge et de la réfutation, rahimahullah. Et Cheikh Adam l'Éthiopie, il disait, Cheikh Rabi', c'est Shu'ba de l'époque. Et ceux qui le blâment, ceux qui le dénigrent, ceux qui le traitent d'être dur, il faut savoir qu'il a des pieux prédécesseurs parmi les savants, et ne lui déclare l'hostilité que lui divion. Fin de citation des paroles de Mohamed Ali Adam l'Éthiopie dans Sharh Ilal al-Tirmidhi. Regarde, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, les gens du mérite reconnaissent les mérites des autres et reconnaissent les gens méritoires. Lors de notre assise précédente, on a vu que le fait de qualifier l'imam Rabi' Sunna de Morji, ou qu'il est en accord avec le Morji'a, ou qu'il a de l'Irja, que ceci ne tienne pas debout. Et ceci n'est pas fondé sur aucune preuve, car comment le Morji'a pourrait accepter quelqu'un qui dit que la foi c'est des paroles, la foi c'est des paroles, des actes, paroles du cœur et de la langue, actes du cœur et les actes du membre du corps. La foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Et 10 fois, il dit, rahimahullah, qu'Allah le préserve, il diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un atome. Et 10 fois, il dit, il diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Comme ceci est relaté dans Kashf Akadib wa Tahrifat Fawzi al-Bahraini, qu'il a écrit, rahimahullah. Et dans Sahih al-Bukhari, dans l'interprétation du livre de l'Iman qu'il a fait dans Sahih al-Bukhari, Cheikh Rabi' a dit, Habidahullah, al-Bukhari a dit, j'ai rencontré plus de 1000 savants qui n'ont aucune divergence sur la définition de la foi, et que la foi c'est des paroles, des actes et des croyances. Il augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Fin de citation. Tu remarqueras, frère en Allah, Azzawajal, que tout ce que nous avons cité dans l'assise précédente des paroles de Cheikh Rabi' et des imams qui l'ont précédé sont identiques. Il n'y a pas de différence entre les définitions qu'il rapporte, rahimahullah, et les définitions de le pieux prédisseur d'Allah alim. Et parmi les accusations infondées, celles de l'Égyptien, de Nahj al-Wadih, qui n'est pas wadih du tout, Nahj al-Wadih du Koweït, où il a dit que Rabi' Sunna est en accord avec un fondement du Khawarij ou avec le Khawarij. Que Cheikh Rabi' est en accord, hein, avec un défendement du Khawarij, ou alors il est en accord avec la tendance du Khawarij. Comment est-ce possible que Rabi' Sunna, qu'Allah le préserve, lui qui a eu des positions fermes dans la clarification de cette pensée du Khawarij, qui ne cesse de renouveler et de déclarer haut et fort l'égarement de cette tendance qui est la voie des Khawarij, il l'a critiqué d'une façon claire et forte, et les éclaircissements de Rabbi Sunna, cette tendance de Khawarij est particulière et très forte. Dans ses écrits et dans ses audios, Hafidahullah, il montre que cette pensée et cette tendance des Khawarij est ancienne et qu'il a apparu dès l'aube de l'islam. Et il clarifie, rahimahullah, et il a clarifié d'une façon claire, hein, les nombreux textes qui avertissent contre le Khawarij. Il a clarifié les positions des salaf face à cette tendance. Il a montré preuve à l'appui que la cause de la rébellion des Khawarij, c'est l'argent, toujours. Et qu'Allah le préserve. Il insiste sur le fait de déraciner les matières qui alimentent et nourrissent cette pensée, cette tendance de Khawarij. D'une façon qui n'a pas d'égal à notre époque. Et là, et c'est ce qui lui a prévalu toute cette grande hostilité, et il a attiré l'attention sur la matière la plus dangereuse, qui est la source et la mère nourricière de la pensée des Khawarij à notre époque, qui sont les livres de Sayyid Qutb et de son frère Muhammad Qutb et du Maududi et de tous ceux qui ont été imprégnés par cette pensée, par cette tendance et par les pensées de Sayyid Qutb, son frère et du Maududi. Et cela lui a prévalu l'hostilité de certains qui se déguisaient et que s'est déguisé par la salafia et qui sont en réalité des sorori, des dadi, des qutbi, autres, des infiltrés. Rabi' Sunna déclare haut et fort le danger de cette pensée et de cette tendance pour les gens, que cette tendance est un grand danger pour les gens et pour la religion et pour leur religion. Et tellement qu'il a attiré la sonnette d'alarme constamment et fortement que l'État saoudien et d'autres États font la chasse aux livres de Sayyid Qutb et aux livres d'Ikhwan et ainsi de suite et de leurs similaires. Hafidhahullah, il a clarifié aux gens que le Khawarij prétend être ceux qui ordonnent le convenable et blâment le blâmable. Comme il a bien clarifié aux musulmans que le Khawarij n'ont pas emprunté la voie légiférée avec les gouverneurs. Et tout cela n'est pas pour plaire à tous les déviants et aux infiltrés, car ils les dévoilent, ils les démasquent. Et le soldat égyptien de Nahj al-Wadih qui n'est pas Wadih, sans pudeur déclare que Rabi' Sunna est en accord avec un fondement du Khawarij. قال عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. La traduction approximative du sens du verset cité ici, qu'il monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Médite ce que dit Rabi' Sunna concernant le Khawarij. Dans un commentaire qu'il a fait du livre du Sharia al-Ajurri, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala allons saluer dans son obéissance. Le Khawarij s'attache au sujet et aux situations d'argent depuis que leurs cornes ont commencé à apparaître jusqu'à nos jours. Et il a attiré Habibullah ta'ala l'attention sur les hadiths qui clarifient leurs caractéristiques et leur mal et leur impureté ainsi que leur fitna. Et il a montré comment ils font couler le sang des innocents et comment ils s'acharnent à tuer les soumis à Allah et les tranquilles, les polythéistes de tous bords. Et toutes ces descriptions avec lesquelles le messager les a décrites sont apparentes et claires dans la vie de ces Khawarij et de ceux qui sont sur leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Il a dit, Hafidhahullah, Dul Khuwaisira, la première chose qu'il a fait, c'est de blâmer le messager alayhi salam, de dénigrer l'équité du messager alayhi salam en ce qui concerne l'argent. Et les Khawarij, surtout à notre époque, s'attachent au sujet de l'argent. Et le messager d'Allah nous a annoncé que les gouverneurs vont s'accaparer de l'argent et le garder pour eux. Ils vont s'accaparer des postes. Mais, alayhi salatu wassalam, a ordonné de patienter. Allah, Zawajal, dit Cheikh, lui a annoncé que les gouverneurs vont s'accaparer l'argent et les postes. Et la première chose que le messager a conseillé à ses compagnons, c'est de faire face à cela avec l'endurance et la patience. Les gens de la Sunna, concernant les sujets de l'argent, de l'équité et autres, ils patientent, ils endurent jusqu'à ce qu'ils voient une mécréance claire, comme leur a ordonné le messager alayhi salatu wassalam. Il dit, Hafidhahullah, donc, le premier leader des Khawarij a commencé à parler de l'économie. Les Khawarij à notre époque font le bilan des fortunes et du pétrole, etc., etc. Et ils excitent les gens et les populations avec ces sujets. Ils se donnent l'image de celui qui ordonne le convenable et qui blâme le blâmable, et ça, c'est leur voix. Il est basé sur cela. Et il dit, Hafidhahullah, dit qu'ils se sont rebellés contre Uthman en Égypte et dans d'autres pays, ils ont commencé à exciter les populations avec le sujet des postes et de l'argent, etc. Et avec cela, ils se donnent l'image de celui qui est jaloux pour la religion d'Allah et pour le convenable. Et il dit, Hafidhahullah, l'histoire, comme il se dit, se répète. Les sujets et les situations, il dit Hafidhahullah, les sujets et les situations sur lesquels tournent les discours des Khawarij depuis l'apparition de leurs cornes et de leurs fitna jusqu'à la fin des temps. C'est toujours la même chose. Ordonner le convenable, blâmer le mal, le sujet des postes, le sujet de l'argent et le sujet du pouvoir, et ce genre de, et c'est des choses similaires à cela. Il dit, Hafidhahullah, alors que ce qui est demandé ou soumis à Allah, c'est de patienter sur les gouverneurs, même s'ils commettent des injustices. C'est l'ordre du messager, alayhi salatu wassalam. Et c'est la voix des imams de la sunna après le messager, alayhi salatu wassalam. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé tout cela. Le messager, doué de clémence et qui est le combattant par excellence, n'accepte pas le faux, jamais. Mais il regarde le bien où il est. Il regarde où il est le bien, dit soumis à Allah, et où se trouve le mal qui risque de les atteindre. Et il met en avant le bien et repousse le mal. Il accule en arrière. Et il dit, Hafidhahullah, l'injustice des gouverneurs et leur déviance est un grand mal. Mais le messager d'Allah a ordonné de patienter et d'endurer. Et le messager d'Allah a ordonné de patienter et d'endurer malgré cela jusqu'à ce qu'ils sortent de l'islam et que leur mécréance soit très claire, d'une clarté où il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le messager est le plus jaloux pour la religion d'Allah après Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, le messager ordonne la patience. Et ça, c'est la position des gens de l'unité et de la sunna depuis l'époque des compagnons jusqu'à nos jours. Ils ne sortent pas, ils ne divergent pas avec les orientations du noble messager alayhi salatu wassalam qui a annoncé que les gouverneurs vont dévier, mais qu'il faut patienter avec eux. Et Cheikh Rabi, Hafidhahullah, cite le hadith de Auf ibn Malik, rapporté par l'imam Muslim, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, vos meilleurs gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et à qui vous faites dua, et qui vous font dua. Et vos pires gouverneurs, ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissiez et qui vous maudissent. Les compagnons ont dit alors, ô messager d'Allah, On les combat à ce moment-là. Il a dit non. Il a dit non. Tant qu'ils accomplissent, ils vous laissent accomplir la prière. Et quiconque qui est sous le pouvoir d'un gouverneur et qui voit que celui-ci désobéit à Allah, qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance, et il reste dans son obéissance. Cheikh Rabi' de nous dire, les nobles compagnons ont vu les déviances de Hijaz ibn Yusuf Taqafi, qui a fait couler beaucoup de sang. Abdullah ibn Omar a vu cela, ainsi que Jabir, radiyallahu anhum, ainsi qu'Abu Saïd al-Khudri, Yanis ibn Malik, et d'autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et ils ont vu aussi les déviances du Yazid ibn Muawiyah. Ils n'ont pas dépassé le fait de conseiller à la communauté la patience et l'endurance. Certains ont divergé avec les conseils des compagnons et se sont révélés. Et il y a eu un grand bain de sang et beaucoup de morts. Et ceci a été le résultat d'un grand mal. Seul Allah connaît son ampleur. Même certains savants se sont révélés et pris les armes, mais ils l'ont regretté par la suite. Cheikh Rabi' a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il a dit interdire la rébellion. Ce n'est pas devenir l'agent de l'État ou un espion, comme ou être un espion, comme le disent les Khawarij. Mais ceci, c'est la mise en application des ordres d'Allah. Et c'est aussi la conformité avec la voix d'Allah. Et c'est la voix que le messager a légiféré et qui a été empruntée par les imams de la guider en tout lieu et en tout temps. Et il a dit, rahimahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve, il nous dit, à l'époque de l'imam Ahmed, le gouverneur, le khalifa de son époque a déclaré haut et fort, la da'wah vers le fait de croire que le Coran est créé, que le Coran est une créature. Et ceci, c'est du kofr. C'est de la mécréance. Les savants venaient voir l'imam Ahmed. Ils se concertaient avec lui pour prendre les armes, pour se rebeller contre lui, contre ce khalifa. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, refusait cela. Il leur disait, ceci va faire du mal au soumis à Allah. Ceci va faire couler le sang. Ceci va faire couler le sang du soumis à Allah et détruire leurs biens et les déshonorer, etc. Et il refuse la rébellion et avertit contre celle-ci. Cheikh Rabi' de nous dire, est-ce que l'imam Ahmed était un agent ou un espion? L'imam Ahmed, rahimahullah, a été emprisonné, maltraité, fouetté. Ses frères, parmi les savants aussi, ils ont subi de grandes épreuves. Certains ont été tués. Et avec tout cela, l'imam Ahmed conseillait la patience. Et ça, c'est la voie authentique. Même quand la mécréance du gouverneur est claire, si dans la rébellion contre le gouverneur, le mal est grand pour les soumis à Allah, tu dois pas te rébeller. C'est le mal qui va découler de cette rébellion va être plus grave pour les soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dois pas te rébeller. Tu dois pas sortir contre ce gouverneur. C'est le mal l'emporte sur le bien, même si le gouverneur est dans une mécréance claire, du moment que la rébellion contre lui va causer du tort aux soumis à Allah et leur faire du mal et faire couler leur sang et les déshonorer, ne cause pas de mal pour les soumis à Allah. Et regardez, frère en Allah, Azzawajal, méditez ce qui est arrivé en Syrie pour comprendre la clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ce grand imam de notre époque, Cheikh Rabi'. Il dit, Hafidhahullah, les gens de la sunna et de l'unité se cramponnent à cette voie. Ce n'est pas parce que ce sont des espions ou des agents de l'État, comme les décrivent les ennemis de la sunna et les ennemis de cette voie. Les khawarij de notre époque sont dans l'extrême concernant le hakimiyya, concernant le pouvoir. Et ceux-là, ils l'ont hérité de leur imam, de l'Khouaïsera. Et ceux qui sont comme lui. Il dit, Hafidhahullah, les slogans des Khawarij aujourd'hui, ce sont que des slogans qu'ils ont hérités de l'Khouaïsera. Et de ceux qui sont venus après de l'Khouaïsera. De l'Khouaïsera a critiqué le prophète pour l'argent et ses disciples qui se sont rebellés contre Ali ont critiqué Ali pour l'argent et le pouvoir. Et les Khawarij d'aujourd'hui ont déformé la religion et ils l'ont limité à l'Hakimiyya, ils l'ont limité au pouvoir. Ils ont oublié Tawhid et ils l'ont fait oublier aux gens. Et ils ont rendu les gens insouciants à l'associationnisme, et à la sorcellerie, et aux innovations, et aux égarements qui détruisent les soumis à Allah. Et cela peut faire périr beaucoup, et les faire rentrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Le Khawarij ne touche pas, et n'attaque pas. Ces déviances, ils ne mettent pas un avertissement contre ces déviances que les messagers d'Allah ont combattu et les messagers d'Allah ont débuté leur da'wah par le combat de ces déviances, l'associationnisme, la sorcellerie, l'égarement et ainsi de suite. Il dit, Hafidhahullah, le seul souci des Khawarij, le pouvoir, l'hakimiyya. Et quand ils font face aux laïcs, ils ne les combattent pas ils ne les combattent que pour la rivalité sur les postes du pouvoir. Tous les deux, les laïcs et les Khawarij, tous les deux combattent et rivalisent sur les postes du pouvoir. Hein? Le combat qu'il y a entre eux et les hostilités entre eux ne sont que pour le pouvoir. Les laïcs veulent des postes de pouvoir, et le Khawarij aussi. Donc, ils combattent fortement les laïcs quand il s'agit du pouvoir. Et s'ils se mettent d'accord, ils s'entraident avec eux. Et ils s'entraident avec eux, et avec tous les autres, communistes, chrétiens, et avec toute tendance pour le pouvoir, malheureusement. Et c'est la réalité de leur situation. Il n'y a qu'à voir les alliances que les rois ont fait pour arriver au pouvoir, et quand ils sont au pouvoir, etc. Il dit, Hafidhahullah, quant aux gens de la sunna, ils sont fermes sur une voie unique, dans leur croyance, dans leur voie, dans leur comportement avec les gens de l'innovation, dans leur comportement avec les gouverneurs, leur point de départ dans tout cela est une voie authentique. Et nous prenons Il dit, Hafidhahullah, nous prenons comme preuve et comme témoin. Le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah et la compréhension des pieux prédécesseurs, loi Allah alayhim. Qu'Allah les bénisse. Il dit, Hafidhahullah, nous prenons comme preuve et témoin et juge entre nous le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah et la compréhension du pieux prédicateur d'Allah alim, qu'Allah vous bénisse. Il dit, Hafidhahullah, le Khawarij maintenant, leur occupation principale, le pouvoir, les gouverneurs, et celui qui s'occupe à éclairer les soumis à Allah sur leur religion pour préserver leur sang et leurs honneurs, c'est un espion pour l'Occident. Hein? Pourquoi donc ces Khawarij vivent en Europe? Ils construisent des palais et des immeubles et éduquent leurs enfants dans les écoles des kuffars. Ils vivent, hein, à cette époque au Cheikh, hein, donner l'explication de Sharia al-Ajour, c'était l'époque de Thatcher. C'est pour ça qu'il va les citer. Il dit, pourquoi ces Khawarij vivent là-bas et vivent en Europe et construisent des immeubles et des palais, et éduquent leurs enfants dans les écoles du Koufar là-bas, ils vivent sous la protection de Thatcher, de Clinton, de Bush et de leurs similaires. Il dit, Hafidhahullah, cela se fait par la forte relation qui les lie à eux. Il y a une forte relation qui lie Sidi Vian avec les ennemis d'Allah. Et il dit, Habibullah, toutes ces catastrophes et ces épreuves que subissent les musulmans, que subissent les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de la part de l'Occident, ce n'est que le résultat des manigances des ennemis de l'islam. Et les ennemis de l'islam se réjouissent avec ces secousses, ces catastrophes et ces difficultés que subissent les musulmans. Les épreuves sont en Afghanistan, en Algérie, partout. Tu te retrouves avec les séditions de Sheikh Khawarij. Tout ceci, ces explications, c'est fait à cette époque, où le Khawarij crée la zizanie et la fitna, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Algérie, un peu partout. Et il dit, Habibullah, par Allah, cela réjouit les ennemis de l'islam. C'est-à-dire, les activités de Sheikh Khawarij réjouit les ennemis de l'islam. Comme il n'y a pas longtemps, ce que faisait Daesh réjouissait aussi l'Occident et donnait à l'Occident une occasion pour écraser les musulmans. Et il dit, Habibullah, qui finance ces mouvements maintenant? Ces mouvements appelés djihadistes, qui les finance? Qui a financé l'armée des frères musulmans en Afghanistan? Et qui a financé les Khawarij rebelles d'Algérie? D'où leur vient tout cet argent pour combattre les gouverneurs? Il vient des ennemis de l'islam. Et avec ça, ils se moquent des gens, qu'Allah vous bénisse. Et il dit, Habibullah, ça c'est la voix du Khawarij contemporain. Et il est encore pire que la voix des anciens Khawarij. Il est encore pire que la voix de leurs aïeux. Il dit, les Khawarij sont attachés à cette voix impure. Et ils y attachent aussi les jeunes, et ils y invitent les jeunes, et les englutent dedans. Il dit, il est obligatoire que les soumis à Allah, en tout lieu, comprennent le danger des Khawarij. Regardez tout ce que je dis. Et avec cela, il dit, Habibullah, les Khawarij associent dans leur voix l'extrême irja. Dans le sens où il défend les leaders des innovations et des égarements qui ont des grandes mécréances. Et ils les défendent, même s'ils insultent les prophètes, même s'ils insultent les compagnons. Malgré tout ça, ce sont des revivicateurs et ils sont mieux que les imams de la sunna pour le Khawarij. Vous voyez un petit peu, comme Saïd Qutb. C'est un leader pour le Khawarij et pour les frères musulmans qu'il ne faut pas toucher. Alors qu'il a des tawam et des paroles de mécréance qui sont très graves. Insultes. Comment il a traité Moussa alayhi salatu wassalam, comment il a parlé. Les insultes vis-à-vis de Uthman, de Muawiya et ainsi de suite. Et on le traite. Et malgré tout cela, c'est un leader. C'est un imam revivicateur pour le Khawarij et pour les frères musulmans. Il dit, Habibullah, les gens de la sunna ne valent rien chez le Khawarij. Plutôt, le Khawarij combat les gens de la sunna, les dénigre, leur colle des étiquettes, desquelles ils sont innocents. Et il dit, Habibullah, il est obligatoire que la jeunesse soumise à Allah, cherche la voie des salafs, qui est présente dans le livre d'Allah, et dans d'autres livres, comme Shari' al-Ajur, comme Sunna al-Khalal, comme l'Ibanatayn ibn Battah, comme Sharh Usul al-I'tiqad lil-Lakai. C'est ces livres-là qui représentent la voie des salafs. Ce que vous avez entendu, c'est un extrait des commentaires que Cheikh Habibullah a fait du chapitre Le blâme des Khawarij et leur mauvaise voie, ce chapitre qui est contenu dans Sharia al-Ajurri. Et avec ça, et avec tout ça, et plus que ça, toutes les paroles de Cheikh Rabi' concernant le Khawarij, que ce soit dans l'interprétation qu'il a fait au fondement de la sunna de l'imam Ahmad, ou ce qui est l'interprétation qu'il a fait à Aqidat Ashab al-Hadith et autres, l'Égyptien de Najloadeh, hein, Chenajloadeh Kouitien, veut faire gober à la jeunesse salafie que Cheikh Rabih est en accord avec le Khawarij. Allahu al-Musta'an. Et dans un article intitulé « La source du fitan » et des événements que la communauté doit connaître et enterrer, il dit « Hafidhahullah, Cheikh Rabih ». Dans cet article, il clarifie à la communauté la cause de la propagation de la pensée des Khawarij à notre époque et les horribles actes de destruction qui découlent de cette pensée qui n'est que le résultat des écrits de Sayyid Qutb. Et il a dit dans cet article, Hafidhahullah, la mère réalité, c'est que les actes de Bin Laden, de Oussama Bin Laden, et de ceux qui l'ont approuvé, malgré l'horreur qui en découle, n'est que le résultat et les effets de la pensée et de la voix contenues dans les écrits, pour lesquels il y a eu beaucoup de publicité, beaucoup de propagande, et qui ont été édités, réédités, traduits en différentes langues. Les librairies en regorgent, et le contenu de ces livres s'est immiscé dans beaucoup d'universités et d'écoles. L'esprit de beaucoup de gens dans le monde musulman a été rempli avec le contenu de ces livres, au point où le contenu de ces livres est arrivé au fin fond des forêts de l'Afrique, et il s'agit des livres de la voix de Sayyid Qutb. Fin de citation. Il met le poids sur la source de la maladie à notre époque. Et bien sûr, ce genre d'articles ont prévalu à Cheikh Rabih cette grande docilité à travers le monde musulman. Mais cela ne fait aucun mal à Cheikh Rabih. Il ne le gêne en rien. Plutôt, ça l'élève dans ce bas monde et dans le delà, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie le firdaus al-a'la. Cheikh a écrit beaucoup concernant cette pensée dangereuse qui est celle de Sayyid Qutb, celle du Maududi, de Mohammed Qutb et autres, et qui est tout simplement cette pensée qui n'est tout simplement que la continuité de la voix de Dhul Khuwaysira qui s'est levée, qui s'est rebellée contre le prophète alayhi salam. Lisez ces livres écrits sur ce sujet et sur les répliques qu'il a fait à toutes les tendances, et ceux qui ne peuvent pas et qui n'ont pas le temps de lire ces livres, lisez des extraits relatés dans certains livres édités par la maison d'édition Salafi Dar al-Mirat Nabawi d'Algérie, comme Mumayizat wa Usul al-Sunna wal-Jama'a. Vous y apprendrez beaucoup de choses, hein, les particularités, les fondements des gens de la Sunna et de l'unité. Juhud Cheikh Rabih fi naqdi shubuhat al-hizbiyin, les efforts de Cheikh Rabih dans la critique et l'anéantissement des ambiguïtés des Hizbi. Et le Mulakhas al-Jamil fi manhaji Cheikh Rabih fi dahwa wal jarh wa ta'dil. Et le résumé, le beau résumé dans la clarification de la méthodologie du Cheikh Rabih concernant dahwa et concernant la réfutation et l'éloge. Et l'autre petite risala, l'inba bi mawaqif al-Cheikh Rabih min al-murji'a wal irja. L'information concernant les positions de Cheikh Rabih concernant le Murji'a et l'Irja. Ces livres, si vous avez un minimum d'arabe, vont vous éclaircir sur les tendances de la déviance, vont vous éclaircir sur la pureté de la voie des salafs. Hein? Et ce sont des livres qui sont très importants. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la capacité de lire tous ces livres. Vous avez là des étudiants de sciences, que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, qui ont fait des résumés et qui ont ramené l'essentiel de la voix du Cheikh Rabih à tous les niveaux, et avec ça vous pouvez arriver à anéantir les ambiguïtés, à ne pas tomber dans les pièges des déviants et à ne pas tomber dans les ambiguïtés dans lesquelles sont tombés certains. Inch'Allah, les sciences qui suivent concernant la source de Rabih al-Sunnah vont extraire de tout simplement les paroles que de ces livres-là, les efforts de Cheikh de l'érudit Cheikh Rabi dans l'anéantissement des ambiguïtés des Hizbi, et aussi à le beau résumé concernant pour la clarification de la voix de Cheikh Rabi concernant la méthodologie de la dawa et la réfutation et l'éloge. Et pour aujourd'hui, on arrête là, inshallah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.